effleurer délibérément. De toute façon, tu sais qui je suis, je sais qui t'es. Tu me fuis dans le rétroviseur. De toute façon, tu sais qui je suis, je sais qui t'es. Tu m'as regardé du coin de l'œil. De toute façon, tu sais qui je suis, je sais qui t'es. Et quand j'ai donné ce bouquet de fleurs, madame était accompagnée, l'accompagnée. Arrête sans cesse de demander si je t'aime autant que toi. Contente-toi de vivre avec ça en toi, c'est mieux comme ça. Oh oh, sache que je te vois. Oh oh, j'ai les yeux sur toi. Y'a de quoi devenir parano, car je passe d'un monde à l'autre. Mets ta main dans ma chapeau, tu ne verras plus que ton épaule. Une poitrine remplie d'ego, je fais pas partie de la déco. Quelques femmes sur les tecos, parlons moins fort, les murs écoutent. Est-ce que m'entendre dans les ondes, ça veut dire toucher les autres? Je me demande si le lion reste roi même dans le zoo. Vis ta petite vie limpide, pendant que ma thune j'y lapide. Marche avec ceux qui disent que du pouvoir je suis avide. Cette femme est venue vers moi avec un regard qui disait: ne me laisse pas passer sans me retenir. Alors, tu m'as effleuré délibérément. De toute façon, tu sais qui je suis, je sais qui t'es. Tu me fuis dans le rétroviseur. De toute façon, tu sais qui je suis, je sais qui t'es. Tu m'as regardé du coin de l'œil. De toute façon, tu sais qui je suis, je sais qui t'es. Et quand j'ai donné ce bouquet de fleurs, madame était accompagnée, l'accompagnée. Arrête sans cesse de demander si je t'aime autant que toi. Contente-toi de vivre avec ça en toi, c'est mieux comme ça. Oh oh, sache que je te vois. Je suis en milieu carcéral, je sais bien que ces cas sont rares. De toute façon, qui saura quand ce cœur se cassera? Tu me dis tout est relatif, tu me demandes d'être romantique, tu me demandes de ralentir, mais je suis un voleur à la tire. On s'évite et on s'épille, on se renifle comme des pites, on essaie d'éviter le pire, on se l'est dit mais sans le dire. Cela dit, c'est ça la dive, c'est comme marcher dans le vide, et rien n'est définitif, même pas la carte Infinity. Si on se voit, fais-moi un signe, du genre tu bouges un cil, je serai pas loin juste assis devant un tableau de Vinci. Refrain. Tu m'as effleuré délibérément. De toute façon, tu sais qui je suis, je sais qui t'es. Tu me fuis dans le rétroviseur. De toute façon, tu sais qui je suis, je sais qui t'es. Tu m'as regardé du coin de l'œil. De toute façon, tu sais qui je suis, je sais qui t'es. Et quand j'ai donné ce bouquet de fleurs, madame était accompagnée, l'accompagnée. Arrête sans cesse de demander si je t'aime autant que toi. Contente-toi de vivre avec ça en toi, c'est mieux comme ça. Oh oh, sache que je t'aime.